L'association de football de Corée a publié la liste des meilleurs footballeurs de l'an 105 du Juche 2016. Sur la liste figure Lee Myung-guk du club sportif de Pyongyang qui a fait un apport particulier à l'équipe coréenne qui a occupé la première place au deuxième tour des éliminatoires du championnat de football E1 de la Confédération de football de l'Asie Est 2017 et qui s'est qualifié pour l'étape principale. Lee Hae-yeon du club sportif 25 avril qui a marqué 6 buts et reçu le prix de botte d'argent à la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans 2016 de la FIFA et Kim So-hyun du club sportif Sobek-sung qui a reçu le prix de ballon d'argent à la Coupe du monde féminine de moins de 20 ans 2016 de la FIFA.